Canal Cinéma. Canal Cinéma. Je ne sais plus, parce qu'ils m'interrompent tout le temps. Et tous, ils crachent sur lui, et tous, ils crachent sur lui. Voilà. Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. La radio qui écoute, Canal Cinéma. Tous les cinémas. T'as de bons yeux, tu sais. Aïe.